Mes amis, je ne sais pas quoi faire. Je suis dans l'indécision la plus totale. Figurez-vous que le ministère de l'Éducation nationale m'a demandé de tenir un stand au prochain salon de l'étudiant. Alors là, pour être franc avec vous, mes amis, je ne sais pas quoi répondre. L'un des derniers aussi, j'avais été sollicité et ça s'était pas super bien passé. Je devais m'entretenir avec les jeunes visiteurs et les motiver pour un avenir meilleur. Ah, j'étais bien installé, j'avais mon petit stand entre les études de langue étrangère et les études de management. Et comme au bout de 10 heures, personne n'était venu me voir, j'ai décidé de faire une petite pancarte pour inciter le chaland à s'approcher. « Soyez vous-même, pas besoin d'études à la con », disait ma pancarte. Du coup, ça a attiré du monde. Un jeune homme s'est approché de moi et m'a demandé quelle était la nature de la formation que je proposais. « Quelle bonne question, le boutonneux! Qu'est-ce qui te plaît à toi dans la vie ? Hein, les voitures ? Eh ben, deviens pilote de Formule 1. Quoi, tu penses que c'est plus raisonnable de faire une formation de taxi ? Mais enfin, tête de nœud, t'es secoué ou quoi ? Ça te fait rêver un métier où tu risques d'avoir des clients comme moi qui vont vomir sur ton outil de travail ? Ah. On voit que tu vois pas ce que je vois. Et crois-moi, tente ta chance en Formule 1. En plus, avec ta gueule, crois-moi, c'est pas plus mal si tu portes souvent un casque. Allez, suivant. Qu'est-ce que t'aimes, toi ? C'est quoi ton truc ? Hein, quoi ? Le modélisme ? Les maquettes de train ? Dégage de là. Fous le camp. Tu vas me casser l'ambiance, boulet. File ou je te crève un œil. Mais c'est pas vrai. Oula. Salut les filles. C'est quoi votre passion à vous ? Le cinéma ? Ah, comme c'est intéressant. Vous avez quel âge ? Ou 21 ans toutes les deux ? Oh, vous êtes jumelles. Oh, doux Jésus. Je ne saurais que trop vous conseiller de vivre votre passion jusqu'au bout. Moi, enfin, je crois en plus que c'est votre jour de chance. Il se trouve que j'ai un cousin, Luther le Pervers, qui est réalisateur de films de charme. Et comme je suis son directeur de casting, si vous voulez, je peux... Ah. Mais qu'est-ce que c'est que cette furie ? Vous êtes la responsable pédagogique du salon ? Vous trouvez mon attitude scandaleuse ? Doucement, maloutre. Je suis sûr qu'on peut trouver un terrain d'entente, toi et moi. Oh, oh, oh. Calme-toi, la furette. Ce soir, après la fermeture, je t'emmènerai au Métropolis. Je donne une leçon de breakdancing. Tu vas adorer. D'ailleurs, après m'avoir vu, tu vas sûrement vouloir que mon corps brûlant te donne la fièvre du vice. Comment ça, tu vas appeler la sécurité pour qu'on m'enferme ? Oh, Crenel. Oui. Comme elle était à 2 doigts de passer à l'acte, j'ai dû... Ah, oh, je sais. C'est pas joli, joli, c'est pas très fair-play, mais j'ai approché ma bouche de mérou croate à son oreille de mouette bulgare, et j'ai chanté « Emmène-moi danser ce soir, jour contre jour, comme au premier instant, et timidement, dis-moi, Helmut, je t'aime, amoureusement, je suis resté le même. » Oh, elle a craqué. Elle s'est vautrée sur mon stand en mettant le feu à son tailleur, et puis elle a hurlé Fais « Fais-moi une formation accélérée en biologie moléculaire. Apprends-moi la gestion du plaisir. Allez, mon Cossack, je suis prête pour l'oral. Fais-moi passer la maîtrise de cochonne qui s'ignore. Sors les annales, je suis à point pour réviser le BTS de la morue qui transpire. » Du coup, j'étais bouleversé. Alors, on a fait... La mort. Pendant 96 heures, on a dû appeler un prof de latin pour exorciser la furie. Et puis, je me suis fait virer. Je suis pas sûr d'avoir envie de retourner cette année. Enfin bon, je dis ça maintenant. Je verrai plus tard. Allez, au revoir.